Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et le fantasy. Christian Martin au microphone. Suite aujourd'hui de Metzengerstein d'Edgar Allan Poe. Mais pendant que le baron prêtait l'oreille ou affectait de prêter l'oreille au vacarme toujours croissant des écuries de Bernie Fitzing, et peut-être méditait quelques traits nouveaux, quelques traits décidés d'audace, ses yeux se tournèrent machinalement vers l'image d'un cheval énorme, d'une couleur hors nature, et représenté dans la tapisserie comme appartenant à un ancêtre sarrasin de la famille de son rival. Le cheval se tenait sur le premier plan du tableau, immobile comme une statue, pendant qu'un peu plus loin, derrière lui, son cavalier déconfit mourait sous le poignard d'un Metzengerstein. Sur la lèvre de Frédéric surgit une expression diabolique, comme s'il s'apercevait de la direction que son regard avait pris involontairement. Cependant, il ne détourna pas les yeux. Bien loin de là, il ne pouvait d'aucune façon avoir raison de l'anxiété accablante qui semblait tomber sur ses sens, comme un drap mortuaire. Il conciliait difficilement ses sensations incohérentes, comme celles des rêves avec la certitude d'être éveillé. Plus il contemplait, plus absorbant devenait le charme. Plus il lui paraissait impossible d'arracher son regard à la fascination de cette tapisserie. Mais le tumulte du dehors devenant soudainement plus violent, il fit enfin un effort, comme à regret, et tourna son attention vers une explosion de lumière rouge, projetée en plein des écuries enflammées sur les fenêtres de l'appartement. L'action, toutefois, ne fut que momentanée. Son regard retourna machinalement au mur. À son grand étonnement, la tête du gigantesque coursier, chose horrible, avait pendant ce temps changé de position. Le cou de l'animal, d'abord incliné comme par la compassion vers le corps terrassé de son seigneur, était maintenant étendu, roide et dans toute sa longueur, dans la direction du baron. Les yeux, tout à l'heure invisibles, contenaient maintenant une expression énergique et humaine, et ils brillaient d'un rouge ardent et extraordinaire. Et les lèvres distendues de ce cheval, à la physionomie enragée, laissez pleinement apercevoir ses dents sépulcrales et dégoûtantes. Stupéfié par la terreur, le jeune seigneur gagna la porte en chancelant. Comme il l'ouvrait, un éclat de lumière rouge jaillit au loin dans la salle, qui dessina nettement son reflet sur la tapisserie frissonnante. Et comme le baron hésitait un instant sur le seuil, il tressaillit en voyant que ce reflet prenait la position exacte et remplissait précisément le contour de l'implacable et triomphant meurtrier du Bernie Fitzing sarrasin. Pour alléger ses esprits affaissés, le baron Frédéric chercha précipitamment le plein air. À la porte principale du palais, il rencontra trois écuyers. Ceux-ci, avec beaucoup de difficultés et au péril de leur vie, comprimaient les bonds convulsifs d'un cheval gigantesque couleur de feu. « À qui est ce cheval? Où l'avez-vous trouvé ?» demanda le jeune homme d'une voix querelleuse et rauque, reconnaissant immédiatement que le mystérieux coursier de la tapisserie était le parfait pendant du furieux animal qu'il avait devant lui. « C'est votre propriété, monseigneur, » répliqua l'un des écuyers. « Du moins, il n'est réclamé par aucun autre propriétaire. Nous l'avons pris comme il s'échappait, tout fumant et écumant de rage, des écuries brûlantes du château Berlifitzing. Supposant qu'il appartenait au haras des chevaux étrangers du vieux comte, nous l'avons ramené comme épave. Mais les domestiques désavouent tout droit sur la bête, ce qui est étrange, puisqu'il porte des traces évidentes du feu qui prouvent qu'il l'a échappé belle. Les lettres WVB sont également marquées au fer très distinctement sur son front, interrompit un second écuyer. Je supposais donc qu'elles étaient les initiales de Wilhelm von Berlifitzing, mais tout le monde au château affirme positivement n'avoir aucune connaissance du cheval. Extrêmement singulier, dit le jeune baron, avec un air rêveur et comme n'ayant aucune conscience du sens de ses paroles. C'est comme vous dites, un remarquable cheval, un prodigieux cheval, bien qu'il soit, comme vous le remarquez avec justesse, d'un caractère ombrageux et intraitable. Allons, qu'il soit à moi, je le veux bien, ajouta-t-il après une pause. Peut-être un cavalier tel que Frédéric de Metzengerstein pourra-t-il dompter le diable même des écuries de Berlifitzing. Vous vous trompez, monseigneur. Le cheval, comme nous vous l'avons dit, je crois, n'appartient pas aux écuries du comte. Si tel eût été le cas, nous connaissons trop bien notre devoir pour l'amener en présence d'une noble personne de votre famille. C'est vrai, observa le baron sèchement. Et à ce moment, un jeune valet de chambre arriva du palais, le teint échauffé et à pas précipités. Il chuchota à l'oreille de son maître l'histoire de la disparition soudaine d'un morceau de la tapisserie, dans une chambre qu'il désigna, entrant alors dans des détails d'un caractère minutieux et circonstancié. Mais comme tout cela fut communiqué d'une voix très basse, pas un mot ne transpira qui pût satisfaire la curiosité excitée des écuyers. Le jeune Frédéric, pendant l'entretien, semblait agiter d'émotions variées. Néanmoins, il recouvra bientôt son calme, et une expression de méchanceté décidée était déjà fixée sur sa physionomie, quand il donna des ordres péremptoires pour que l'appartement en question fût immédiatement condamné et la clé remise entre ses mains propres. « Avez-vous appris la mort déplorable de Berlifitzing, le vieux chasseur ?» dit au baron un des vassaux, après le départ du page, pendant que l'énorme coursier que le gentilhomme venait d'adopter comme sien s'élançait et bondissait avec une furie redoublée à travers la longue avenue qui s'étendait du palais aux écuries de Metzengerstein. « Non !» dit le baron, se tournant brusquement vers celui-ci qui parlait. « Mort, dis-tu ? » ?»« C'est la pure vérité, monseigneur, et je présume que pour un seigneur de votre nom, ce n'est pas un renseignement trop désagréable. » Un rapide sourire jaillit sur la physionomie du baron. « Comment est-il mort ? » Dans ses efforts imprudents pour sauver la partie préférée de son haras de chasse, il a péri misérablement dans les flammes. En vérité, exclama le baron, comme impressionné lentement et graduellement par quelque évidence mystérieuse. En vérité, répéta le vassal. Horrible! Dit le jeune homme avec beaucoup de calme, et il rentra tranquillement dans le palais. À partir de cette époque, une altération marquée eut lieu dans la conduite extérieure du jeune débauché, baron Frédéric von Metzengerstein. Véritablement, sa conduite désappointait toutes les espérances et déroutait les intrigues de plus d'une mère. Ses habitudes et ses manières tranchèrent de plus en plus, et moins que jamais, n'offrirent d'analogie sympathique quelconque avec celle de l'aristocratie du voisinage. On ne le voyait jamais au-delà des limites de son propre domaine, et dans le vaste monde social, il était absolument sans compagnon, à moins que ce grand cheval impétueux, hors nature, couleur de feu, qu'il monta continuellement à partir de cette époque, n'eût en réalité quelque droit mystérieux au titre d'ami. Néanmoins, de nombreuses invitations de la part du voisinage lui arrivaient périodiquement. Le baron honorera-t-il notre fête de sa présence? Le baron se joindra-t-il à nous pour une chasse aux sangliers? Metzengerstein ne chasse pas. Metzengerstein n'ira pas. Telles étaient ses hautaines et laconiques réponses. Ces insultes répétées ne pouvaient pas être endurées par une noblesse impérieuse. De telles invitations devinrent moins cordiales, moins fréquentes. Avec le temps, elles cessèrent tout à fait. On entendit la veuve de l'infortuné comte Berlifitzing exprimer le vœu que le baron fût au logis quand il désirerait n'y pas y être, puisqu'il daignait la compagnie de ses égaux, et qu'il fût à cheval quand il voudrait n'y pas être. Puisque leur préférait la société d'un cheval. Ceci, à coup sûr, n'était que l'explosion niaise d'une pique héréditaire. Et prouver que nos paroles deviennent singulièrement absurdes quand nous voulons leur donner une forme extraordinairement énergique. Les gens charitables, néanmoins, attribuer le changement de manière du jeune gentilhomme au chagrin naturel d'un fils privé prématurément de ses parents, oubliant toutefois son atroce et insouciante conduite durant les jours qui suivirent immédiatement cette perte. C'était la deuxième partie de Metzengerstein d'Edgar Allan Poe, lue par Stanley pour AudioCité.net. Rendez-vous samedi prochain pour la conclusion. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les émissions d'Espace-Temps sur le blog d'Audio Libris à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.